bela ya tusan tusan tusan na lela ye kwana ya ila bela ya tusan tusan tusan na lela ye kwana ela la ta ya no pana onta ta pola patata y repare la sabana porque tiene la habana. Tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, tu son, Que tiene patada, que hay la vela, tu son, tu son.